Chapitre 3 Hôtel-Dieu, Sœur Grise. Nous venons à ce moment où la religion a voulu, comme d'un seul coup et sous un seul point de vue, qu'il n'y a pas de souffrances humaines qu'elle n'ose envisager, ni de misère au-dessus de son amour. La fondation de l'Hôtel-Dieu remonte à Saint Landry, 8e évêque de Paris. Les bâtiments en furent successivement augmentés par le chapitre de Notre-Dame, propriétaire de l'hôpital, par Saint-Louis, par le chancelier Duprat et par Henri IV, en sorte qu'on peut dire que cette retraite de tous les maux s'élargissait à mesure que les maux se multipliaient et que la charité croissait à l'égal des douleurs. L'hôpital était desservi dans le principe par des religieuses et des religieuses sous la règle de Saint-Augustin. Mais, depuis longtemps, les religieuses seules y sont restées. Le cardinal de Vitry, dit Héliot, a voulu sans doute parler des religieuses de l'Hôtel-Dieu, lorsqu'il dit qu'il y en avait qui, se faisant violence, souffraient avec joie et sans répugnance l'aspect hideux de toutes les misères humaines, et qu'il lui semblait qu'aucun genre de pénitence ne pouvait être comparé à cette espèce de martyre. « Il n'y a personne, continue l'auteur que nous citons, qui, en voyant les religieuses de l'Hôtel-Dieu, non seulement penser, nettoyer les malades, faire leur lit, mais encore au plus fort de l'hiver casser la glace de la rivière qui passe au milieu de cet hôpital, et y entrer jusqu'à la moitié du corps pour laver leur linge plein d'ordures et de vilainies, ne les regarde comme autant de saintes victimes qui, par un excès d'amour et de charité pour secourir leurs prochains, courent volontiers à la mort qu'elles affrontent, pour ainsi dire, au milieu de tant de puanteurs et d'infections causées par le grand nombre des malades. Nous ne doutons point des vertus qu'inspire la philosophie, mais elles seront encore bien plus frappantes pour le vulgaire, ces vertus, quand la philosophie nous aura montré de pareils dévouements. Et cependant la naïveté de la peinture d'Héliot est loin de donner une idée complète des sacrifices de ces femmes chrétiennes. Cet historien ne parle ni de l'abandon des plaisirs de la vie, ni de la perte de la jeunesse et de la beauté, ni du renoncement à une famille, à un époux, à l'espoir d'une postérité. Il ne parle point de tous les sacrifices du cœur, des plus doux sentiments de l'âme, étouffés, hors la pitié qui, au milieu de tant de douleurs, devient un tourment de plus. Eh bien, nous avons vu les malades, les mourants près de passer, se soulever sur leurs couches et, faisant un dernier effort, accabler d'injures les femmes angéliques qui les servaient. Et pourquoi ? Parce qu'elles étaient chrétiennes. Eh, malheureux ! Qui vous servirait si ce n'étaient des chrétiennes ? D'autres filles, semblables à celles-ci et qui méritaient des autels, ont été publiquement fouettées. Nous ne déguiserons point le mot. Après un pareil retour pour tant de bienfaits, qui eût voulu encore retourner auprès des misérables ? Qui ? Elles. Ces femmes. Elles-mêmes. Elles ont volé au premier signal, ou plutôt, elles n'ont jamais quitté leur poste. Voyez ici réunies la nature humaine religieuse et la nature humaine impie, et jugez-les. La sœur Grise ne renfermait pas toujours ses vertus, ainsi que les filles de l'Hôtel-Dieu, dans l'intérieur d'un lieu pestiféré. Elle les répandait au dehors, comme un parfum dans les campagnes. Elle allait chercher le cultivateur infirme dans sa chaumière. Qu'il était touchant de voir une femme jeune, belle et compatissante, exercer au nom de Dieu, près de l'homme rustique, la profession de médecin. On nous montrait dernièrement, près d'un moulin, sous des saules, dans une prairie, une petite maison qu'avaient occupée trois sœurs grises. C'était de cet asile champêtre qu'elles partaient à toutes les heures de la nuit et du jour pour secourir les laboureurs. On remarquait en elles, comme dans toutes leurs sœurs, cet air de propreté et de contentement qui annonce que le corps et l'âme sont également exempts de souillure. Elles étaient pleines de douceur, mais toutefois sans manquer de fermeté pour soutenir la vue des maux et pour se faire obéir des malades. Elles excellaient à rétablir les membres brisés par des chutes ou par des accidents si communs chez les paysans. Mais ce qui était d'un prix inestimable, c'est que la sœur Grise ne manquait pas de dire un mot de Dieu à l'oreille du nourricier de la patrie, et que jamais la morale ne trouva de forme plus divine pour se glisser dans le cœur humain. tandis que ses filles hospitalières étonnaient par leur charité ceux-mêmes qui étaient accoutumés à ces actes sublimes, il se passait dans Paris d'autres merveilles. De grandes dames s'exilaient de la ville et de la cour et partaient pour le Canada. Elles allaient sans doute acquérir des habitations, réparer une fortune délabrée et jeter les fondements d'une vaste propriété. Ce n'était pas là leur but. Elles allaient, au milieu des forêts et des guerres sanglantes, fonder des hôpitaux pour des sauvages ennemis. En Europe, nous tirons le canon en signe d'allégresse pour annoncer la destruction de plusieurs milliers d'hommes. Mais dans les établissements nouveaux et lointains, où l'on est plus près du malheur et de la nature, on ne se réjouit que de ce qui mérite en effet des bénédictions, c'est-à-dire des actes de bienfaisance et d'humanité. Trois pauvres hospitalières, conduites par Madame de la Peltrie, descendent sur les rives canadiennes. Et voilà toute la colonie troublée de joie. Le jour de l'arrivée de personnes si ardemment désirées, dit Charlevoix, fut pour toute la ville un jour de fête. Tous les travaux cessèrent et les boutiques furent fermées. Le gouverneur reçut les héroïnes sur le rivage, à la tête de ses troupes, qui étaient sous les armes et au bruit du canon. Après les premiers compliments, il les mena, au milieu des acclamations du peuple, à l'église, où le Te Deum fut chanté. Ces saintes filles, de leur côté, et leur généreuse conductrice, voulurent, dans le premier transport de leur joie, baiser une terre après laquelle elles avaient si longtemps soupiré, qu'elles se promettaient bien d'arroser de leur sueur, et qu'elles ne désespéraient pas même de teindre de leur sang. Les Français, mêlés avec les sauvages, les infidèles même confondus avec les chrétiens, ne se lassaient point et continuèrent plusieurs jours à faire retentir tout de leurs cris d'allégresse et donnèrent 1000 bénédictions à celui qui seul peut inspirer tant de force et de courage aux personnes les plus faibles. À la vue des cabanes sauvages où l'on mena les religieuses, le lendemain de leur arrivée, elles se trouvèrent saisies d'un nouveau transport de joie. La pauvreté et la malpropreté qui y régnaient ne les rebutèrent point, et des objets si capables de ralentir leurs ailes ne le rendirent que plus vif. Elles témoignèrent une grande impatience d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions. Madame de la Peltrie, qui n'avait jamais désiré d'être riche, et qui s'était faite pauvre d'un si bon cœur pour Jésus-Christ, ne s'épargnait en rien pour le salut des âmes. Son zèle la porta même à cultiver la terre de ses propres mains pour avoir de quoi soulager les pauvres néophytes. Elle se dépouilla en peu de jours de ce qu'elle avait réservé pour son usage, jusqu'à se réduire à manquer du nécessaire pour vêtir les enfants qu'on lui présentait presque nus. Et toute sa vie, qui fut assez longue, ne fut qu'un tissu d'actions les plus héroïques de la charité. Trouve-t-on dans l'histoire ancienne rien qui soit aussi touchant, rien qui fasse couler des larmes d'attendrissement aussi douces, aussi pures? Chapitre 4. Enfant trouvé, dame de la charité, trait de bienfaisance. Il faut maintenant écouter un moment Saint Justin, le philosophe. Dans sa première apologie adressée à l'empereur, il parle ainsi. On expose les enfants sous votre empire. Des personnes élèvent ensuite ces enfants pour les prostituer. On ne rencontre, par toutes les nations, que des enfants destinés aux plus exécrables usages, et qu'on nourrit comme des troupeaux de bêtes. Vous levez un tribut sur ces enfants, et toutefois ceux qui abusent de ces petits innocents, outre le crime qu'ils commettent envers Dieu, peuvent par hasard abuser de leurs propres enfants. Pour nous autres chrétiens, détestant ces horreurs, nous ne nous marions que pour élever notre famille, ou nous renonçons au mariage pour vivre dans la chasteté. Voilà donc les hôpitaux que le polythéisme élevait aux orphelins. Ô vénérable Vincent de Paul, où étais-tu? Où étais-tu pour dire aux dames de Rome, comme à ces pieuses françaises qui t'assistaient dans tes œuvres? Orsus, mesdames, voyez si vous voulez délaisser à votre tour ces petits innocents dont vous êtes devenus les mères selon la grâce, après qu'ils ont été abandonnés par leur mère selon la nature. Mais c'est en vain que nous demandons l'homme de miséricorde à ces cultes idolâtres. Le siècle a pardonné le christianisme à Saint Vincent de Paul. On a vu la philosophie pleurer à son histoire. On sait que, gardien de troupeaux, puis esclave à Tunis, il devint un prêtre illustre par sa science et par ses œuvres. On sait qu'il est le fondateur de l'hôpital des enfants trouvés, de celui des pauvres vieillards, de l'hôpital des galériens de Marseille, du collège des prêtres de la mission, des confréries de charité dans les paroisses, des compagnies de dames pour le service de l'hôtel Dieu, des filles de la charité, servantes des malades, et enfin des retraites pour ceux qui désirent choisir un état de vie et qui ne sont pas encore déterminés. Où la charité va-t-elle prendre toutes ses institutions, toute sa prévoyance ? Saint Vincent de Paul fut puissamment secondé par Mademoiselle Legras, qui, de concert avec lui, établit les sœurs de la charité. Elle eut aussi la direction de l'hôpital du nom de Jésus, qui, d'abord fondé pour 40 pauvres, a été l'origine de l'hôpital général de Paris. Pour emblème et pour récompense d'une vie consumée dans les travaux les plus pénibles, Mademoiselle Legras demanda qu'on mît sur son tombeau une petite croix avec ces mots « Spes mea ». Sa volonté fut faite. Ainsi de pieuses familles se disputaient au nom du Christ le plaisir de faire du bien aux hommes. La femme du chancelier de France et Madame Fouquet étaient de la congrégation des dames de la charité. Elles avaient chacune leur jour pour aller instruire et exhorter les malades, leur parler des choses nécessaires au salut d'une manière touchante et familière. D'autres dames recevaient les aumônes, d'autres avaient soin du linge, des meubles, des pauvres, etc. Un auteur dit que plus de 700 calvinistes rentrèrent dans le sein de l'Église romaine parce qu'ils reconnurent la vérité de sa doctrine dans les productions d'une charité si ardente et si étendue. Sainte Dame de Miramion, de Chantal, de la Pelleterie, de la Moignon, vos œuvres ont été pacifiques. Les pauvres ont accompagné vos cercueils. Ils les ont arrachés à ceux qui les portaient pour les porter eux-mêmes. Vos funérailles retentissaient de leurs gémissements. Et l'on eût cru que tous les cœurs bienfaisants étaient passés sur la terre parce que vous veniez de mourir. Terminons par une remarque essentielle cet article des institutions du christianisme en faveur de l'humanité souffrante. On dit que sur le mont Saint-Bernard, un air trop vif use les ressorts de la respiration et qu'on y vit rarement plus de 10 ans. Ainsi, le moine qui s'enferme dans l'hospice peut calculer à peu près le nombre de jours qu'il restera sur la terre. Tout ce qu'il gagne au service ingrat des hommes, c'est de connaître le moment de la mort qui est caché au reste des humains. On assure que presque toutes les filles de l'Hôtel-Dieu ont habituellement une petite fièvre qui les consume et qui provient de l'atmosphère corrompue où elles vivent. Les religieux qui habitent les mines du Nouveau Monde, au fond desquelles ils ont établi des hospices dans une nuit éternelle pour les infortunés indiens, ces religieux abrègent aussi leur existence. Ils sont empoisonnés par la vapeur métallique. Enfin, les pères qui s'enferment dans les bagnes pestiférées de Constantinople se dévouent au martyr le plus prompt. Le lecteur nous le pardonnera si nous supprimons ici les réflexions. Nous avouons notre incapacité à trouver des louanges dignes de telles œuvres. Des pleurs et de l'admiration sont tout ce qui nous reste. Qu'ils sont à plaindre ceux qui veulent détruire la religion et qui ne goûtent pas la douceur des fruits de l'Évangile. Le stoïcisme ne nous a donné qu'un épictète, dit Voltaire, et la philosophie chrétienne forme des milliers d'épictètes qui ne savent pas qu'ils le sont et dont la vertu est poussée jusqu'à ignorer leur vertu même. Chapitre 5. Éducation, école, collège, université, bénédictins et jésuites. Consacrer sa vie à soulager nos douleurs est le premier des bienfaits. Le second est de nous éclairer. Ce sont encore des prêtres superstitieux qui nous ont guéris de notre ignorance et qui, depuis 10 siècles, se sont ensevelis dans la poussière des écoles pour nous tirer de la barbarie. Ils ne craignaient pas la lumière puisqu'ils nous en ouvraient les sources. Ils ne songeaient qu'à nous faire partager ces clartés qu'ils avaient recueillies au péril de leurs jours, dans les débris de Rome et de la Grèce. Le bénédictin qui savait tout, le jésuite qui connaissait la science et le monde, l'oratorien, le docteur de l'université, méritent peut-être moins notre reconnaissance que ces humbles frères qui s'étaient consacrés à l'enseignement gratuit des pauvres. Les clercs réguliers des écoles pieuses s'obligeaient à montrer par charité, à lire, à écrire au petit peuple, en commençant par l'ABC, à compter, à calculer et même à tenir les livres chez les marchands et dans les bureaux. Ils enseignent encore non seulement la rhétorique et les langues latines et grecques, mais dans les villes, ils tiennent aussi des écoles de philosophie et de théologie scolastique et morale, de mathématiques, de fortifications et de géométrie. Lorsque les écoliers sortent de classe, ils vont par bande chez leurs parents où ils sont conduits par un religieux de peur qu'ils ne s'amusent par les rues à jouer et à perdre leur temps. La naïveté du style fait toujours grand plaisir, mais quand elle s'unit, pour ainsi dire, à la naïveté des bienfaits, elle devient aussi admirable qu'attendrissante. Après ces premières écoles fondées par la charité chrétienne, nous trouvons les congrégations savantes vouées aux lettres et à l'éducation de la jeunesse par des articles exprès de leur institut. Tels sont les religieux de Saint-Basile, en Espagne, qui n'ont pas moins de 4 collèges par province. Ils en possédaient un à Soissons, en France, et un autre à Paris. C'était le collège de Beauvais, fondé par le cardinal Jean de Dormans. Dès le IXe siècle, Tours, Corbeil, Fontenelle, Fulde, Saint-Gall, Saint-Denis, Saint-Germain-d'Auxerre, Ferrières, Agnan et en Italie, le Mont Cassin, étaient des écoles fameuses. Les clercs de la vie commune, aux Pays-Bas, s'occupaient de la collation des originaux dans les bibliothèques et du rétablissement du texte des manuscrits. Toutes les universités de l'Europe ont été établies ou par des princes religieux ou par des évêques ou par des prêtres, et toutes ont été dirigées par des ordres chrétiens. Cette fameuse université de Paris, d'où la lumière s'est répandue sur l'Europe moderne, était composée de 4 facultés. Son origine remontait jusqu'à Charlemagne, jusqu'à ces temps où, luttant seul contre la barbarie, le moine Alcuin voulait faire de la France une Athènes chrétienne. C'est là qu'avaient enseigné Budet, Casaubon, Grenan, Rollin, Coffin, Le Beau. C'est là que s'étaient formés Abélard, Amyot, De Thou, Boileau. En Angleterre, Cambridge a vu Newton sortir de son sein. Et Oxford présente, avec les noms de Bacon et de Thomas Morus, sa bibliothèque persane, ses manuscrits d'Homère, ses marbres d'Arundel et ses éditions des classiques. Glasgow et Édimbourg en Écosse, Leipzig, Jena, Tübingen en Allemagne, Leyde, Utrecht et Louvain aux Pays-Bas, Gandhi, Alcala et Salamanque en Espagne. Tous ces foyers des Lumières attestent les immenses travaux du christianisme. Mais 2 ordres ont particulièrement cultivé les lettres, les bénédictins et les jésuites. L'an 540 de notre ère, Saint Benoît jeta au Mont Cassin en Italie les fondements de l'ordre célèbre qui devait, par une triple gloire, convertir l'Europe, défricher ses déserts et rallumer dans son sein le flambeau des sciences. Les bénédictins, et surtout ceux de la congrégation de Saint-Maur, établis en France vers l'an 543, nous ont donné ces hommes dont le savoir est devenu proverbial et qui ont retrouvé, avec des peines infinies, les manuscrits antiques ensevelis dans la poudre des monastères. Leur entreprise littéraire la plus effrayante, car l'on peut parler ainsi, c'est l'édition complète des Pères de l'Église. S'il est difficile de faire imprimer un seul volume correctement dans sa propre langue, qu'on juge ce que c'est qu'une révision entière des Pères grecs et latins, qui forment plus de 150 volumes in folio, l'imagination peut à peine embrasser ces travaux énormes. Rappelez Runard, Lobineau, Calmet, Tassin, Lamy, Dachéry, Martène, Mabillon, Montfaucon, c'est rappeler des prodiges de science. On ne peut s'empêcher de regretter ces corps enseignants uniquement occupés de recherches littéraires et de l'éducation de la jeunesse. Après une révolution qui a relâché les liens de la morale et interrompu le cours des études, une société à la fois religieuse et savante porterait un remède assuré à la source de nos maux. Dans les autres formes d'instituts, il ne peut y avoir ce travail régulier, cette laborieuse application au même sujet qui règne parmi des solitaires et qui, continuée sans interruption pendant plusieurs siècles, finissent par enfanter des miracles. Les bénédictins étaient des savants et les jésuites des gens de lettres. Les uns et les autres furent à la société religieuse ce qu'étaient au monde deux illustres académies. L'ordre des jésuites était divisé en trois degrés, écoliers approuvés, coadjuteurs formés et professes. Le postulant était d'abord éprouvé par 10 ans de noviciat, pendant lesquels on exerçait sa mémoire sans lui permettre de s'attacher à aucune étude particulière. C'était pour connaître où le portait son génie. Au bout de ce temps, il servait les malades pendant 1 mois dans un hôpital et faisait un pèlerinage à pied en demandant l'aumône. Par là, on prétendait l'accoutumer au spectacle des douleurs humaines et le préparer aux fatigues des missions. Il achevait alors de fortes ou de brillantes études. N'avait-il que les grâces de la société et cette vie élégante qui plaît au monde, on le mettait en vue dans la capitale, on le poussait à la cour et chez les grands. Possédait-il le génie de la solitude, on le retenait dans les bibliothèques et dans l'intérieur de la compagnie. S'il s'annonçait comme orateur, la chair s'ouvrait à son éloquence. S'il avait l'esprit clair, juste et patient, il devenait professeur dans les collèges. S'il était ardent, intrépide, plein de zèle et de foi, il allait mourir sous le fer du mahométan ou du sauvage. Enfin, s'il montrait les talents propres à gouverner les hommes, le Paraguay l'appelait dans ses forêts, ou l'ordre à la tête de ses maisons. Le général de la compagnie résidait à Rome. Les pairs provinciaux, en Europe, étaient obligés de correspondre avec lui 1 fois par mois. Les chefs des missions étrangères lui écrivaient toutes les fois que les vaisseaux ou les caravanes traversaient les solitudes du monde. Il y avait en outre, pour les cas pressants, des missionnaires qui se rendaient de Pékin à Rome, de Rome en Perse, en Turquie, en Éthiopie, au Paraguay ou dans quelque autre partie de la terre. L'Europe savante a fait une perte irréparable dans les jésuites. L'éducation ne s'est jamais bien relevée depuis leur chute. Ils étaient singulièrement agréables à la jeunesse. Leur manière polie ôtait à leurs leçons ce ton pédantesque qui rebute l'enfance. Comme la plupart de leurs professeurs étaient des hommes de lettres recherchés dans le monde, les jeunes gens ne se croyaient avec eux que dans une illustre académie. Ils avaient su établir entre leurs écoliers de différentes fortunes une sorte de patronage qui tournait au profit des sciences. Ces liens, formés dans l'âge où le cœur s'ouvre aux sentiments généreux, ne se brisaient plus dans la suite, et établissaient, entre le prince et l'homme de lettres, ces antiques et nobles amitiés qui existaient entre les Scipions et les Lélius. Ils ménageaient encore ces vénérables relations de disciples et de maîtres, si chères aux écoles de Platon et de Pythagore. Ils s'enorgueillissaient du grand homme dont ils avaient préparé le génie et réclamaient une partie de sa gloire. Voltaire, dédiant sa Mérope au père Poré et l'appelant son cher maître, est une de ces choses aimables que l'éducation moderne ne présente plus. Naturalistes, chimistes, botanistes, mathématiciens, mécaniciens, astronomes, poètes, historiens, traducteurs, antiquaires, journalistes, il n'y a pas une branche des sciences que les jésuites n'aient cultivée avec éclat. Bourdaloue rappelait l'éloquence romaine. Brumois introduisait la France au théâtre des Grecs. Gresset marchait sur les traces de Molière. Le comte, Parnin, Charlevoix, Ducerceau, Sanadon, Duhalde, Noël, Bourg, Daniel, Tournemine, Mainbourg, Larue, Jouvency, Rapin, Vanière, Comire, Sirmont, Bougean, Petot ont laissé des noms qui ne sont pas sans honneur. Que peut-on reprocher aux jésuites ? Un peu d'ambition, si naturelle au génie. Il sera toujours beau, dit Montesquieu en parlant de ses pères, de gouverner les hommes en les rendant heureux. Pesez la masse du bien que les jésuites ont fait. Souvenez-vous des écrivains célèbres que leur corps a donnés à la France, ou de ceux qui se sont formés dans leurs écoles. Rappelez-vous les royaumes entiers qu'ils ont conquis à notre commerce par leur habileté, leurs sueurs et leur sang. Repassez dans votre mémoire les miracles de leur mission au Canada, au Paraguay, à la Chine, et vous verrez que le peu de mal dont on les accuse ne balance pas un moment les services qu'ils ont rendus à la société.